comme dans un de ces châteaux des légendes allemandes, où les murs sont formés de milliers de fioles qui contiennent les âmes des hommes qui vont naître. Nous sommes dans le séjour de la vie, qui précède la vie. Il y a là, de toutes parts, en suspens, dans les berceaux bien clos, dans la superposition infinie des merveilleux alvéoles à six pans, des myriades de nymphes, plus blanches que le lait, qui, les bras repliés et la tête inclinée sur la poitrine, attendent l'heure du réveil. Allez voir dans leur sépulture uniforme, innombrable et presque transparente, on dirait des gnomes chenus qui méditent, ou des légions de vierges déformées par les plis du suaire, et ensevelies en des prismes hexagones, multipliés jusqu'au délire par un géomètre inflexible. Dans l'ombre, battent des ailes et dansent des centaines d'ouvrières pour entretenir la chaleur nécessaire et aussi pour une fin plus obscure, car leur danse à des trémoussements extraordinaires et méthodiques qui doivent répondre à quelques buts qu'aucun observateur n'a, je crois, démêlé. Tu as de la chance. Écoute. Écoute. On dirait une chanson, non? C'est quoi? Les vierges. Celles qui voudraient être reines. Elles essayent de casser les portes de leur prison de cire. Alors, elles tapent dessus. Mais les gardiennes veillent et rebouchent les trous au fur et à mesure. Pourquoi ne laissent pas sortir? Parce que la reine est la seule à n'avoir le droit. Les autres, on les garde au cas où il y arrive malheur. Les bourdons vont aller vers l'eau. Regarde. Voilà, c'est. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent la reine. Quand elle arrivera, ils danseront pour elle très haut dans le ciel. Et elle en choisira un seul. C'est ça qu'on appelle la danse de la reine? C'est ça, tu as deviné. Mais comment ça s'est passé, cette rencontre avec les abeilles, exactement? Ça s'est passé avec un mauvais livre que j'avais sur ma table de nuit, qui s'est retrouvé là et que j'ai englouti. Mais c'était une sorte de mauvais livre qui posait des bonnes questions. Eh bien, c'est ça. C'était un mauvais livre qui posait une bonne question, et ensuite la pratique consistait à transformer les questions et les erreurs en solutions. C'est que l'apiculture, au début, c'est vraiment surtout des problèmes. Ça commence à être passionnant à partir du moment où les solutions sont là, d'une certaine façon. Mais c'est un peu l'art du questionnement où, en fait, la réponse, c'est vraiment pas le miel. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut quantifier finalement le résultat d'une expérience sur le fait qu'à un moment, les abeilles disent oui, ça fonctionne, donc ça marche, donc nous faisons du miel. Mais pour moi, un des plus beaux butins, c'est pas uniquement quelque chose qu'on est en mesure de mettre en pot. C'est tout ce que ça évoque, en fait. C'est tout ce qui peut être vraiment partagé sur le fait que, oui, aujourd'hui, la ville permet de produire du miel, un miel qui a du goût, un miel qu'on ne comprend pas, en fait, qu'on n'explique pas, et que lorsqu'il est comparé à un miel d'origine rurale, en tout cas d'un miel d'une terre de miel, commence à nous expliquer que le paradoxe existe et puis qu'on avance un peu avec le sourire dans un mur. Enfin, je dis ça pourquoi? Parce que c'est très joli de faire du miel en ville, mais c'est paradoxal et donc c'est finalement presque anormal. Je dis ça parce que c'est pour moi, enfin aujourd'hui, je pourrais m'enorgueillir de faire 4 à 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France, aujourd'hui, en étant dans la densité de la ville. Sauf qu'en fait, c'est un drame. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une chose qui devrait être anormale, puisque aujourd'hui, dans beaucoup de régions rurales de France, d'Europe et du monde, il est devenu impossible pour les colonies d'abeilles de vivre, de survivre. Et donc c'est très joli, ce miel béton qui gagne des médailles d'or au concours régional agricole, c'est très joli, mais il faut vraiment le mettre en regard du drame aujourd'hui qu'il y a à plus pouvoir poser des ruches dans ce qui est finalement une sorte de semblant de nature, quoi. C'est-à-dire que c'est vert, il n'y a plus de bocage, mais en tout cas c'est cultivé, donc on a une culture qui, lorsqu'elle n'est pas intensive, en tout cas ou dans des logiques de monoculture, laisse entendre que voilà, on est quand même dans une diversité de nature. Or, le fait que ces abeilles, une fois que la floraison du champ de colza n'ont plus rien à manger et qu'elles meurent, ça laisse bien entendre que le drame va très loin. Les abeilles seraient-elles en train de disparaître ? Les témoignages d'apiculteurs du monde entier s'accumulent, qui voient leur colonie disparaître en quelques jours, sans que les abeilles ne soient retrouvées mortes au pied de la ruche pour autant. Pour mieux entrer dans la compréhension de ce mystère, Nous avons suivi les abeilles des villes jusqu'à Saint-Denis, où Olivier Darnay pollinise les rues, et les abeilles des champs, avec toute l'équipe de recherche en cognition animale dans son laboratoire à Toulouse. Comment l'homme va pouvoir déchiffrer leur code secret, apprendre à parler abeilles comme une langue étrangère, tout en se méfiant de toute tentation anthropomorphique. Leurs secrets seront notre seul butin, car la lune de miel entre l'homme et l'abeille sent bel et bien la fin. Apifuge.